Il faut que je m'extirpe quand je tease, m'exprime quand je crise, miné en fainéantie, suisse, mec triste en guise. De présentation, quelques ratures, un bilan, des textes libres pour me consoler, ma désolation en veste épaisse crise. Des fous mal informés dans mon format, des faits affreux divers, une folie verte et ferme, une douce pharma dans mes vendredis termes. Bah ouais, demande à peine un quotidien, la gueule patibulaire. Maximule frère, sous la capuche, une vue particulière. J'manipule merde, esprit pluvieux, mes crânes caniculaires. J'suis riche, tu le verre, caricature, t'es la neuve ni lunaire. J'laisse glisser mes fautes avant que mes doutes s'installent. J'vogue sous le regard des autres, assis sur toutes leurs routes instables. Nos vies sur Insta, abrège le temps par des cliché terni, j'immortalise ça quand j'vois le générique et que la cloche termine. On tourne en rond, ça se ressent, les taux se resserrent après ça. Le risque assuré, violente cassure et mauvais présage. J'écris mes textes, sombre feeling, manie le mic, c'est mimique. Si j'milite, c'est pour graver ici mon expression scénique. Alors ma rime j'accoste, demande à cause, le respect ça se mérite. À vrai dire, si j'me marie, Polo Lacoste à la mairie. Mais sans rire, ici la bombe j'amorce, épuisé sans vie. J'veux grandir, quand mon stylo s'enlise, touche le fond de grand puits. Sans mentir, j'vois que mon avenir se corse, on meurt mais sans bruit. J'veux partir, les larmes. Ici mes sens, j'entends encore la panoplie et les vers de cet artiste raté. Dresse sous la carotide, la pluie efface un panel vide gratté. Prends un air disgracié, ou tendancieux, mine grisée, un temps soit peu distillé. Pourtant dans la merde j'y ai vite filé. J'ai arrêté de rêver Bercy, à vrai dire j'ai plus trop le temps. Je veux pas du costume réversible, des slim et de l'or plus trop grand. Garde ma casquette, c'est vie, ça va souvent, j'réponds ça. J'évince leur vice, leur mépris, à ça j'suis pas responsable. J'ai pas de copyright ni copinage, j'ai vu lorsque c'est copinage. Ils sont perdus et hurlent pour ces merdes, moi j'm'égosillage, j'me noie dans mes névroses et dans mes ivresses. D'un soir un peu de sirop dans ma cirrhose. Moi je veux que ma mère vive dans un drap plein de soie. Attends soit peu la prendre m'enivre et fais de moi un écrivain. On se bousille, on stagne. Alors bien loin d'un simple esprit sain, sérieux quasi 30 piges. Et parfois je me sens sénile. Cause la cause mista, Ben Maker, expression scénique. J'écris mes textes, sombre feeling, manie le mic, c'est mimique. Si je milite, c'est pour graver ici mon expression scénique. Alors ma rime j'accoste, demande à cause, le respect ça se mérite. À vrai dire, si je me marie, Polo Lacoste à la mairie. Mais sans rire, ici la bombe j'amorce, épuisé sans vie. Je veux grandir, quand mon stylo s'enlise, touche le fond de grand puits. Sans mentir, je vois que mon avenir se corse, on meurt mais sans bruit. Je veux partir, les larmes courent, ici mais sans pluie. Ici mais sans pluie.